Le bulletin de sport local et régional de Danny Veilleux, une présentation de votre magasin Canadian Tire de Dolbeau-Mistassini. Pour vos différents achats estivaux, c'est Canadian Tire de Dolbeau-Mistassini qu'il faut visiter. Que ce soit pour vos articles de sport, de piscine ou de barbecue, Canadian Tire offre une vaste gamme de prix qui répond à vos besoins. Surveillez de près la sortie de notre circulaire. Canadian Tire, 1751 Boulevard Vézina, Dolbeau-Mistassini, 418-276-2385. Tout notre personnel vous invite à magasiner en ligne au canadiantire.ca et vous souhaite une belle saison estivale. Si votre plus récent bulletin d'information de sport local et régional, dans une entrevue qui a été diffusée hier sur les ondes de danazosport.com, Raphaël Harvey-Pinard se dit quand même très très content d'avoir été repêché par les Canadiens. Content et surtout surpris. Ben oui, j'ai été surpris, c'est sûr. Je pense que c'est quand même rare que des joueurs de 20 ans jouent sur mes 19 ans, mais j'ai 20 ans quand même qui sont repêchés. D'habitude, c'est plus de 17-18 ans. Donc, c'est une belle surprise. Mais en même temps, j'avais eu des rencontres, je savais qu'ils étaient intéressés, puis je suis content qu'ils... Dans un deuxième temps, Raphaël Harvey-Pinard mentionne évidemment qu'il est allé au camp de présélection du Canadien. Il a trouvé ça plus rapide qu'à l'habitude. Il y a une bonne différence de jeu entre ces deux calibres-là. Je pense que c'est beaucoup plus rapide. Tout le monde, c'est un sens du jeu qui est vraiment élevé. Donc, ça fait que c'est du bon hockey. Mais en même temps, je l'avais vécu à Las Vegas l'année dernière. Donc, je savais un peu à quoi m'attendre. Donc, je savais que ça allait être un calibre élevé là-bas. OK. Le dernier temps, Raphaël Harvey-Pinard nous parle évidemment de ses objectifs pour la prochaine saison. En fait, il n'y a aucune décision de prise par l'organisation. Puis, ça va vraiment dépendre de mon camp au mois de septembre. Okay. Pour moi, je vais arriver là-bas, je vais donner mon maximum, puis ensuite de ça, je vais laisser l'organisation décider de mes plans pour le futur. Maintenant, parlons de soccer. Il y avait des matchs hier dans les différentes ligues de soccer qui nous intéressaient hier. D'abord, ça se déroulait hier, victoire de l'attaque de Saint-Prime 7-0 sur le FC de Saint-Ambroise. Victoire également dans la catégorie senior féminin du Jean Dumas-Fort 2-0 sur le FC de Saint-Félicien. Victoire également du FC de Saint-Félicien 6-0 sur le Saint-Bruno. Également, le Chinook de Chicoutimi dans un match de la catégorie senior masculin a gagné 3-1 sur le FC du Lac-Saint-Jean. On va parler maintenant du côté de la Ligue de Ballante de Robertval hier. Il y avait des matchs qui étaient à l'affiche hier à Robertval. D'abord, faites à noter que du côté de Zodiac, ben, ils ont défait Megavac 10-9. Saint-Hubert a gagné 19-9 contre Pièce de Tour-Roussel et également victoire de AEW 19-8 sur le Gamma. Je l'invite à écouter la section entrevue de danradiosport.com. Hier, dans la section entrevue, on a parlé avec Pascal Jobin. Il nous parle évidemment de la NBA, de ce qui s'est passé. Également, on a parlé aussi avec Marc Fortier qui réagit au dossier de Sébastien Haroux. L'entrevue, le podcast a été enregistré avant l'annonce de Tom Dundon qui mentionnait que là, fallait être égalisé. Également, on s'est entretenu avec le directeur général du club de golf de Saint-Prime sur le lac Saint-Jean, Junior Junot. Et vous pouvez également écouter d'autres entrevues dans la section entrevue de danradiosport.com. Sport local et régional à danradiosport.com. On s'en occupe.